بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver après cette coupure pour poursuivre ensemble, inshallah تعالى, ces cours sur le pèlerinage, le cinquième ou le quatrième pilier de l'islam. En tout cas, une des fondations les plus importantes de notre religion et dont l'accomplissement est obligatoire une fois dans la vie. Je disais aujourd'hui, le jeudi 26 du mois Dhul-Qi'da de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 15 juin 2023, nous nous retrouvons pour continuer ensemble, inshallah ta'ala, ces cours. Et dans les derniers cours, on avait commencé à parler de l'importance du pèlerinage dans la purification de l'âme et dans l'éducation du croyant sur les grandes adorations du cœur. Nous avons parlé notamment de son rôle dans la réforme de l'individu, et on a parlé également de l'importance de dhikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le pèlerinage et dans toute adoration. Et le meilleur dans chaque adoration, c'est celui qui fait le plus de dhikr. Et dhikr, il a un degré avec la langue et un degré avec le cœur. Et le degré le plus élevé, c'est quand c'est avec les deux, la langue et le cœur. Les deux font le rappel d'Allah dans une harmonie. Tu dis tout en comprenant, tout en méditant ce que tu dis. Et ça, c'est le degré le plus élevé. Aussi, on a vu le lien entre le pèlerinage et at-tawakkul. At-tawakkul, la pulpe du tawhid. Et au point où ceux qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment, si on veut résumer leur description, nous disons que c'est des gens qui ont atteint des degrés très élevés dans le tawakkul. On peut résumer ces gens-là à cette description, cette seule description. C'est des gens qui ont placé totalement leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont compté sur lui dans toutes leurs affaires. Et aussi, on a vu le lien entre le pèlerinage et le repentir. Et aujourd'hui, nous continuons, bi'idhnillahi ta'ala, avec un autre point très important dans le pèlerinage qui est en lien avec la tenue que le pèlerin porte dans son pèlerinage ou dans l'umra, qu'on appelle l'ihram. Comme nous allons le voir, l'ihram, ça se dit de plusieurs choses. Nous allons voir ça en détail quand on parlera de al-fiqh, qui est en lien avec le pèlerinage, la jurisprudence du pèlerinage. L'ihram, ça peut se dire de la tenue, ça peut se dire de l'intention, ça peut se dire de l'état et de la terre, de la période, et ainsi de suite. Donc ici, ce qui est concerné, c'est la tenue. La tenue qu'on appelle ihram, que portent les hommes. Les hommes doivent obligatoirement porter des vêtements qui n'épousent pas la forme du corps et retirer tous les vêtements qu'ils portent habituellement et qui sont faits selon la forme du corps. Ce n'est pas une condition que ça ne soit pas cosu, malgré qu'on l'appelle en arabe le mahir, mais ça, c'est une terminologie des savants pour dire que ça n'épouse pas la forme du corps. Ce n'est pas un problème que ça comporte des coutures. Et au contraire, tu peux trouver des vêtements dans lesquels il n'y a aucune couture, comme certains t-shirts, ils sont faits sans aucune couture. Lakins, ils sont faits selon la forme du corps. Et ça, c'est pas autorisé. Donc, l'interdiction, c'est les vêtements qui épousent la forme du corps, à savoir les shorts, les slips, les pantalons, les t-shirts, les chemises, les kamis, les djellabas, et ainsi de suite. Tout ça, tu dois t'en débarrasser pendant ton pèlerinage, avant de mettre ton intention jusqu'à finir ton pèlerinage. Yani finir, yani la première désacralisation. Tahallul awwal. Donc, ce vêtement de l'ihram, composé pour l'homme de deux morceaux de tissu, comme il peut porter un seul, mais la sunna, c'est de porter deux morceaux de tissu, de drap. Le premier, il se met sur la partie supérieure du corps et le deuxième sur la partie inférieure du corps. Et ce ihram, la sunna, qu'il soit de couleur blanche pour les hommes. Les femmes, elles portent leurs vêtements habituels. Il y a juste une interdiction qui concerne le niqab et les gants. La femme, elle porte pas de niqab ni de gants pendant son ihram. Là, qu'il le reste, elle porte des vêtements qu'elle porte habituellement. Il n'y a pas une couleur préférable pour la femme. Comme beaucoup de femmes pensent, elles portent la couleur blanche. Ce qui est meilleur pour la femme, c'est ce qui est meilleur d'une manière générale. Ça n'a pas de lien avec le pèlerinage. C'est la couleur noire. Après, ce sont les couleurs sombres. Car le but de l'hijab, c'est de cacher la beauté de la femme. Et ça, il faut que la femme comprenne ça. Quand elle sort dehors, quand elle s'expose au regard des hommes, son but, c'est pas de paraître belle. Son but, c'est de se couvrir et de cacher, yani, la beauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée, de cacher ses formes, de cacher sa beauté, et ainsi de suite. Lakine, elle se fait belle chez elle pour son mari. Et malheureusement, des fois, on trouve que les choses ont été inversées. Elle se fait belle quand elle sort dehors et à la maison, elle ne soucie point de son aspect, de son apparence, de bien accueillir et recevoir son mari à son retour à la maison. Ça, c'est très important pour la femme. La femme, de toute façon, elle ne fera ça que quand elle fera ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Amma, si elle le fait pour le mari, ça, il viendra un jour où ça va s'arrêter. Il n'y a pas d'homme parfait. La perfection, c'est dans le Jannah. Et pas de défaut, c'est dans le Jannah. Amma dunya, tous les hommes, ils ont des défauts, ils ont des faiblesses, et ainsi de suite, comme les femmes. C'est pour ça, la femme qui va faire ses adorations et continuer à les faire tout le temps, c'est une seule catégorie de femmes. C'est la femme qui fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Amma, si elle fait ça pour le mari, comme j'ai dit, viendra le jour où elle va arrêter de le faire. Donc, ce ihram, lors du pèlerinage, il nous rappelle le linceul dans lequel on enveloppe le mort. Le mort est enveloppé dans un linceul qui a la même description que l'ihram. C'est des draps dans lesquels on enveloppe le mort et c'est pas permis de lui faire porter des pantalons ou des imamas ou des choses comme ça. Tout ça, c'est des innovations. Il y en a qui le font, ce sont des innovations. Nabi alayhi salam a ordonné d'envelopper le mort dans trois morceaux de tissu et la sunna qu'il soit de couleur blanche pour les hommes et cinq pour les femmes. Donc, ce ihram nous rappelle le linceul. Et on constate également dans cet ihram qu'il est semblable pour les riches comme pour les pauvres. Tous y sont habillés de la même façon, de draps blancs. Deux morceaux de tissu blanc, un sur la partie supérieure, un sur la partie inférieure. Le riche, le roi, le ministre, le milliardaire, tous ils vont s'habiller de la même façon. Et c'est ainsi lors de la mort. Après la mort, il n'y a plus de distinction entre le riche et le pauvre. Il y en a qui vont faire cette distinction, mais c'est des innovations. Et c'est des choses interdites, et de toute façon, ça ne sera d'aucun profit pour le mort. Au contraire, ça peut aggraver sa situation s'il savait que les membres de sa famille pratiquaient ces égarements, et il ne l'aura pas mis en garde contre ces pratiques. Et il ne l'aura pas interdit de les pratiquer sur lui. Ça peut aggraver son châtiment, car il est consentant pendant son vivant. Quelqu'un qui savait pas et ils ont fait ça de lui, il ne sera pas blâmé pour cela. Le blâme est pour ceux qui l'ont fait. Mais les savants ont précisé que quand tu sais que dans les membres de ta famille, les gens qui vont se charger de toi après ta mort, ils font des innovations, faut que tu précises qui va s'occuper de toi, qui va te laver, afin qu'on fasse toutes ces choses-là dans la totale conformité à la sunna. Ça rentre dans ta responsabilité. Après, si c'est pas respecté, tu seras pas blâmé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, j'ai dit que cette tenue, elle nous rappelle la mort. Que ce soit dans l'égalité entre les hommes ont cette tenue, comme c'est le cas exactement après la mort. Et aussi, ça nous rappelle le linceul qui est en lien avec la mort. Qui est en lien avec la mort. Il a été rapporté selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, dans les deux authentiques, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le mort sera suivi par trois. Deux retourneront ou reviendront. Et le troisième restera avec lui. Deux qui vont le quitter et un seul qui va rester en sa compagnie. Ceux qui le suivent, ce sont sa famille, ses biens et ses actes. Les membres de la famille, ils viennent avec les biens qui appartenaient au mort, sa voiture ou autre, et ses actes. Les trois suivent le mort et après qu'ils le suivent jusqu'à sa tombe. Et après les deux premiers, à savoir la famille et les biens qu'ils possédaient, ils vont le quitter et ils vont l'abandonner. Et ils vont le laisser dans sa tombe. Il ne restera avec lui dans sa tombe que ses actes. C'est pour ça, c'est toi qui choisis ta compagnie dans ta tombe. Tu l'as choisi aujourd'hui. Tout ce que tu fais, tu le trouveras dans ta tombe. Et comme c'est rapporté dans le hadith authentique, que dans les actes, ils viennent avec l'apparence d'un homme. Et cet homme, il sera de la même catégorie que tes actes. Si c'est des bonnes actions, ça sera un bel homme avec une bonne apparence, joyeuse, qui annonce la bonne nouvelle. Et inversement, pour celui dont les actions étaient mauvaises. Wal'iyadu billah. Il a été rapporté également selon Abu Hurayra radiallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Idha mat ibn Adam, يعني دون البرومي حديث je l'ai pas dit en arabe يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. Et dans ce deuxième hadith rapporté par l'imam muslim dans son authentique, selon Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الله أكبر. Quand le fils de Adam décède, ses actes s'estompent et s'arrêtent, à l'exception de trois. Une aumône dont le profit est continu. Comme quelqu'un qui creuse un puits, les gens, tant que les gens prennent de l'eau de cette puits, lui, il prend des bonnes actions. Comme quelqu'un qui plante des arbres ou des végétations, tant que les gens mangent de ces arbres et de leurs fruits, lui, il prend des bonnes actions. Donc ça, tout ça, c'est des aumônes dont le profit est continu, même après la mort. Et la deuxième, une science profitable. Une science profitable. Quelqu'un qui laisse une science, un savant, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, qui ont laissé beaucoup de livres après eux, après leur mort, et qui ont laissé des audios, des cassettes, et des livres et des ouvrages de science. Tant que les gens y profitent de cette science, eux y prennent la récompense. Et la troisième, un enfant vertueux, un enfant qui soit garçon ou fille, vertueux, pas un enfant riche, milliardaire, ingénieur, intelligent, non, tout ça n'a pas de valeur. Un enfant vertueux, pieux, qui fait des invocations en sa faveur. C'est pour ça que les savants ont dit que la meilleure chose que tu puisses faire envers tes parents, après leur mort, c'est ad-du'a. Ça, c'est meilleur que de faire une umrah pour lui, ou de faire un hajj pour lui. Sauf s'il n'a pas fait le hajj pendant son vivant. Il n'a jamais fait l'umrah. Là, ça peut être différent, avec des divergences. Là, le point sur lequel il n'y a pas de divergence, c'est que les bonnes, yani parmi les meilleures choses que tu puisses faire envers tes parents après leur mort, c'est d'invoquer Allah en leur faveur. Dua. Et dua, tu peux le faire partout où que tu sois. Dua, il est facile. Lakin, al-muwaffaqu man waffaqahu Allah. Rapporté également par l'imam muslim, que dans l'authentique de l'imam muslim, le fils de Adam dit: Mali, mali, yaqul ibn Adam, mali, mali, wa hal laka ibn Adam min malika illa ma akalta fa afnayt, aw labista fa ablayt, aw tasaddaqta fa amdayt. Ça, wallahu alam, je me rappelle pas très bien, mais c'est un hadith qudsi. C'est un hadith, comme ils disent, divin. C'est la parole d'Allah qui est rapportée par le prophète alayhi salatu wassalam, telle qu'elle lui a été révélée. C'est ça la différence entre cette catégorie de hadith et les ahadith prophétiques, qui sont les termes du prophète alayhi salatu wassalam. Ce qui lui a été révélé, ce sont les sens. Par contre, là, c'est semblable au Coran de ce point de vue, c'est les termes et les sens sont révélés au prophète, il les rapporte telles qu'elles étaient révélées. Donc, dans ce hadith, Allah dit, le fils de Adam dit: mes biens, tu n'as de tes biens, ô toi, fils de Adam, il ne t'appartient de ces biens que trois choses. Des biens que tu as mangés et que tu as consommés. Et des biens que tu as portés et que tu as usés en vêtements, et des biens que tu as donnés en sadaqa, en aumône, et que tu l'as accompli, cette sadaqa. C'est pas Shaitan, il est venu, il t'a empêché de la faire à la dernière minute, sous prétexte que voilà, yani avec des faux prétextes. Yani une sadaqa que tu as donnée et que tu as conclue. Tu l'as sortie, tu l'as fait parvenir à ceux à qui tu voulais la donner. Donc c'est ça qui t'appartient en réalité. Tu possèdes des richesses, tu possèdes des maisons, tu possèdes des voitures, tu possèdes des millions, des milliards. Ce qui t'appartient réellement, c'est ce que tu as consommé, ce que tu as porté et ce que tu as donné, fi sabilillah. C'est ça qui t'a été vraiment profitable. Le reste, ça appartient à qui? Ça appartient aux héritiers. Par contre, toi, tu vas rendre des comptes sévères sur chaque centime d'où tu l'as gagné et dans quoi tu l'as dépensé. Eux, ils prennent cet argent sans effort de leur part, alhamdoulilah, un rizq qu'Allah leur a accordé et au sujet duquel ils ne seront pas jugés. Ils seront jugés par la suite de ce qu'ils ont fait de cet argent. Mais comment ils l'ont gagné? Ils l'ont gagné d'une voie dans laquelle il n'y a pas de souci. L'héritage. Une voie halal. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, Jibril, alayhi salam, m'a dit, « Qala li Jibril, ya Muhammad, ish ma shi'ta, fa innaka mayyit, wa ahbib man shi'ta, fa innaka mufariquh, wa amal ma shi'ta, fa innaka mulaqih. » Allahu Akbar. Hadith حسنه العلامة الألباني رحمه الله, dans lequel le prophète عليه الصلاة والسلام dit, Jibril عليه السلام est venu me voir, il m'a dit, ô Muhammad, vis autant que tu souhaites, tu vas mourir. Yani tu vis 60 ans, 70 ans, un siècle, deux siècles, ta fin c'est la mort. Toute âme goûtera à la mort. Et aime qui tu veux, tu vas te séparer de lui. Ou bien tu vas te séparer de lui dans le dunya, ou bien tu seras séparé de lui par la mort. Dans le dunya, il va dans un autre pays, ou par la mort. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُلَاقِيهِ. Et fais en acte ce que tu veux. Tu le retrouveras. Tu retrouveras tous tes actes. C'est pour ça qu'en t'œuvre, sache que toutes ces choses-là, tu vas les retrouver auprès d'Allah. Tout ce que tu fais. Si c'est bien, tant mieux pour lui. Si c'est bien, tant mieux pour toi. Et si c'est un mal, je demande à Allah de nous en préserver. Également, mes frères, en Allah subhanahu wa ta'ala, le pèlerinage est un événement dans lequel se manifeste le statut des hommes de science d'une manière apparente. C'est pour ça que tu constates chez les pèlerins, tu vas trouver des pèlerins qui n'ont jamais posé une question dans leur vie à un homme de science. Ils n'ont jamais interrogé un homme de science au sujet de quoi que ce soit de leur religion. Tu trouves des gens comme ça pendant le pèlerinage qui sont très soucieux de revenir aux hommes de science et de les interroger avant de faire quoi que ce soit dans cette adoration. Et le croyant, en réalité, il doit être ainsi dans toutes ses affaires. C'est pas spécifique au pèlerinage. Dans toutes tes adorations, même dans tes affaires mondaines qui sont en lien avec le commerce ou des choses comme ça, tu dois demander avant d'agir. La science avant la parole et l'acte. Et non pas tu fais et après tu viens, est-ce que c'est bon comme j'ai fait? Ça c'est une erreur méthodologique. Lakin, ça reste mieux que quelqu'un qui fait et qui ne demande pas. Lakin, normalement,

plusieurs fois dans les versets de l'Hajj de Surat al-Baqarah. Car l'Hajj a un lien direct avec at-taqwa, avec la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens les plus aimés par Allah, qui ont le degré le plus élevé auprès d'Allah, c'est ceux qui ont le plus de taqwa. Ceux qui ont le plus de taqwa, comme Allah Azza wa Jalla dit, inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui qui a le plus de piété, le plus de crainte d'Allah. D'où l'importance de connaître ce que c'est at-taqwa. Quelle est la réalité de cette taqwa? Cette parole que nous répétons. At-taqwa, mes frères, que tu places entre toi et ce que tu crains un obstacle qui te protégera de cette chose que tu crains. D'une manière générale, taqwa, c'est ça, en arabe. Et le serviteur qui craint Allah et qui craint son châtiment et qui craint sa colère, il prend une protection du châtiment d'Allah et de sa colère. Et cette protection, ce n'est pas autre chose que l'accomplissement des ordres et l'éloignement des interdits. C'est pour ça qu'il a été rapporté de l'Hassan al-Basri, rahimahullah. Il a dit, at-taqwa, il a dit, al-muttaquna, ittaqaw maharim Allahi alayhi, al-muttaquna, ittaqaw ma harram Allahu alayhim, wa addaw ma farad Allahu alayhim. Al-muttaqoun, c'est qui les pieux? C'est qui les pieux? Al-muttaqoun, il a dit, ce sont ceux qui se sont écartés de ce que Allah leur a interdit et qui ont accompli ce que Allah leur a prescrit. At-taqwa, c'est ça. C'est de s'éloigner des interdits et de se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah, a été rapporté de lui une belle parole qui concerne la taqwa et qui démontre un sens profond. Il dit, taqwa, c'est pas de jeûner la journée et de veiller la nuit en salat. Taqwa, c'est pas ça. La réalité de taqwa, c'est pas la multiplication des actes surrogatoires. C'est pas ça la réalité de taqwa. Tout en commettant des péchés. At-taqwa, c'est de délaisser ce que Allah t'a interdit et de faire ce qu'il t'a prescrit comme obligation. At-taqwa, mes frères, c'est de s'écarter des péchés et d'accomplir les obligations. C'est uniquement ça, at-taqwa. Et après, si Allah t'accorde yani une facilité dans les actes surrogatoires et le délaissement de ce qui est détestable, c'est un degré supérieur. Amma, quelqu'un qui fait les actes surrogatoires et qui délaisse les actes détestables tout en tombant dans les péchés, il n'a pas encore réalisé at-taqwa. Donc, taqwa, son degré, c'est dans l'accomplissement des obligations et l'éloignement des interdits. Et ce que Allah peut accorder de ses faveurs, en plus de cela, c'est un plus. Yani, cette parole, c'est pour nous dire de faire les efforts dans ce que Allah nous a prescrit, dans les obligations, que ce soit les obligations à faire ou les obligations à délaisser. Yani, les choses qu'on doit délaisser obligatoirement et les choses qu'on doit faire obligatoirement. Focalise-toi sur ça. Et c'est ça, taqwa. Avant que j'oublie, il y a aussi des paroles de salaf au sujet de taqwa qui montrent que la véracité de taqwa, Et la réalité de taqwa, c'est dans le délaissement des interdits. C'est pour ça que tu trouves que beaucoup de gens font les obligations, font beaucoup d'actes surrogatoires, mais ils faiblissent devant le péché. Al-Muttaqi, celui qui a atteint un degré élevé dans taqwa, c'est celui qui s'écarte des interdits, même en ayant très peu de surrogatoires. C'est celui-là qui a vraiment atteint les degrés élevés de taqwa. Et c'est pour ça que tu trouves que beaucoup de gens, ils font salat, ils font les obligations, ils font le surrogatoire. Ils n'ont pas de mal avec ça. Mais ils ont beaucoup de mal quand il s'agit de péché. Et ça, c'est un signe que taqwa est faible. C'est pour ça qu'ils ont dit la réalité de taqwa se manifeste dans le délaissement des interdits et non pas dans l'accomplissement des obéissances. Yani, c'est une mesure précise qui te permet de voir ton degré de taqwa. Et parmi les meilleures définitions qui ont été rapportées de taqwa, comme vous savez, c'est celle qui a été rapportée de Talq ibn Habib. Talq ibn Habib, il a été interrogé au sujet de taqwa. Il y a eu une fitna. Il y a eu une fitna, fitna d'Ibn al-Ash'ath, qui s'est rebellé contre les gouverneurs de Banu Umayyad, contre le Hajjaj, Ibn Yusuf al-Thaqafi, et des personnes sont venues voir Talq ibn Habib. Ils lui ont dit, voilà ce qui s'est passé, il y a le fitna, comment nous prémunir de cette fitna? Comment nous préserver de cette fitna? Il a dit, repoussez-la avec taqwa. Ils ont dit, c'est quoi taqwa? Il a dit, at-taqwa, taqwa Allah, an ta'amala bita'atillah, ala nourim min Allah, tarju thawab Allah. Allahu Akbar. Ça, c'est la première moitié de taqwa. Taqwa, c'est d'œuvrer dans l'obéissance d'Allah, sous la lumière d'Allah, en espérant la récompense d'Allah. Trois éléments dans la première partie. Faire pour Allah. Yani, œuvrer avec les obéissances. Et c'est quoi une obéissance? C'est ce qui a été légiféré dans le sunnah. C'est ce qui a été enseigné par Nabi alayhi salam. Les innovations, ce ne sont pas des obéissances. Combien même les gens les voient comme des obéissances. Mais ce ne sont pas des obéissances. Donc, œuvre avec ce qui a été légiféré. Comme obéissance d'Allah. Ça, c'est le premier point. Sous la lumière d'Allah. Yani avec lumière d'Allah. La science. La lumière d'Allah, c'est la science. Faut que tu saches que ça, c'est une sunna. Et que tu la fasses pour Allah. C'est pour ça qu'il a dit en troisième point, en espérant la récompense d'Allah. En espérant sa récompense. Et non pas le statut, ou l'admiration, ou le respect. Parmi les mauvaises intentions, qui corrompent la sincérité. Et la deuxième partie de taqwa, c'est de délaisser et de s'écarter des désobéissances et des péchés avec lumière d'Allah, avec science, par crainte de châtiment d'Allah. Par crainte du châtiment d'Allah. Donc aussi trois points. Tu t'écartes de ce qui est une désobéissance avec science. Et tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala par crainte de son châtiment. Donc, taqwa, sa base, mes frères, c'est dans le cœur. Et elle se manifeste sur l'apparence du serviteur. Mais sa base, elle est dans le cœur, comme le Nabi sallam a dit, at-taqwa ha-huna, il a indiqué sa poitrine, son cœur. Il a dit, taqwa, elle est dans la poitrine, elle est dans le cœur. La base de taqwa. Mais elle se manifeste sur l'apparence. C'est pas possible d'avoir quelqu'un qui a taqwa, qui a le cœur rempli de taqwa et de piété, et on voit sur lui les péchés. Et après, il nous dit, non, mon cœur est bon. Mon cœur est pur. Si ton cœur était pur, si ton cœur était réformé, ton apparence serait réformée. Comme a dit le Nabi alayhi sallam. Ida salaha, salaha al-jasadu kullu. dans le corps, il y a un morceau de chair, quand il est réformé, tout le corps suit. Tout le corps se réforme. Et quand il est corrompu, tout le corps également suit. Qui est le roi du corps, le cœur. Et le cœur, il est... Le cœur, j'ai pensé l'aql. L'aql, le cœur, c'est le cœur qu'on connaît tous. Et l'aql également, il est dans le cœur. Et le cerveau, c'est un outil qui est utilisé par le cœur. C'est un outil. L'aql, la compréhension et ses sens de foi, ils sont dans le cœur, dans la poitrine. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit également, il a dit Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne voit pas, Allah ne regarde pas vos images, yani votre apparence. C'est pas ça qui est la mesure auprès d'Allah. Ta beauté. Non. Allah ne regarde pas ta beauté. C'est pas ça qui va faire la différence. Ni tes biens. Allah ne regarde pas. La yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Wa innama walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mais il regarde vos cœurs. Ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce qu'il y a dans ton cœur l'amour pour la umma, l'amour pour le muslimin, aimer le bien pour les gens d'une manière générale, pour le muslimin et pour le kuffar également, aimer leur guider et qu'Allah les guide dans l'islam. Est-ce que dans ton cœur il y a ces choses-là? Est-ce que t'aimes pour ton frère ce que t'aimes pour toi-même? Cette chose-là qui ne te coûte absolument rien. T'as pas besoin de dépenser un centime pour atteindre ce degré obligatoire de la foi, qui est d'aimer pour ton frère ce que t'aimes pour ta personne. Il t'est pas demandé de partager ton pain avec lui, de partager ton argent avec lui. Ça, c'est un degré supérieur. C'est un degré supérieur. Là, le degré obligatoire, c'est uniquement d'aimer pour lui ce que t'aimes pour ta personne. Wallah al-musta'an. Et c'est une chose qui ne coûte absolument rien. Juste ça demande d'avoir un cœur pur et purifié des maladies, de la jalousie et de l'enviosité et de la haine et de la rancune et de la rancœur et ainsi de suite. Ça demande uniquement ça. Il n'y a pas besoin que tu lui donnes quoi que ce soit. Aime pour lui ce que t'aimes pour ta personne. T'aimes pour ta personne d'avoir l'ilm, aime pour lui d'avoir l'ilm. T'aimes pour ta personne d'avoir l'argent, aime ça pour lui également et ainsi de suite. Donc Allah ne regarde pas ce qui représente votre valeur et votre statut auprès d'Allah. C'est pas ta beauté physique. Abu Lahab, c'est un homme, un très très bel homme. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé dans le Jahiliya, ils l'ont appelé Abu Lahab. Yani, une flamme. Lahab, c'est la flamme. C'est comme s'il avait une flamme dans le visage, yani une beauté. Et c'est un homme qui sera éternisé en enfer. Wal'iyadu billah. Donc c'est pas ta beauté, c'est pas ta beauté physique, c'est pas la beauté de ton corps, c'est pas ta richesse qui fera la différence auprès d'Allah. Tout ça n'a pas de valeur auprès d'Allah. Ce qui a de la valeur auprès d'Allah, c'est ce que renferme ton cœur et tes actes. C'est pas seulement le cœur. Dans certaines versions, il y a cette erreur, il est cité uniquement le cœur. Lakin, le cœur et les actes. Une version dans l'authentique de l'imam muslim selon Abu Huraira. Il y en a qui disent, moi j'ai la foi dans le cœur, et par exemple des sœurs, elles ne portent pas le hijab, j'ai la foi dans le cœur. Désolé Ourti, nous on ne connaît pas ce qu'il y a dans le cœur, mais on voit ce qu'il y a sur l'apparence. Nous, on a été chargés de juger selon l'apparence seulement. Comme a dit Omar radiallahu anhu dans Sharh Sunna de l'imam al-Barbahari, ne jugeons l'apparence. Et ce qu'il y a dans le cœur, c'est entre toi et Allah. Celui qui nous montre le bien, on dit c'est quelqu'un de bien. Et celui qui nous montre le mal, on dit c'est quelqu'un qui a du mal proportionnellement à ce qu'il a fait. Yani non plus, on ne va pas traiter le musulman comme on traite le kafir. Peut-être que nous allons nous arrêter ici, inshallah, et on poursuivra samedi. Vendredi, on ne fait pas de cours. On fera samedi et on fera, inshallah, tous les jours jusqu'à terminer ces cours sur le pèlerinage. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le frère Ibrahim il dit, si on n'a jamais sacrifié, est-il préférable d'égorger soi-même son mouton si on a la possibilité de le faire ou de déléguer cette tâche à quelqu'un qui en a déjà fait? C'est meilleur pour toi que tu le fasses toi-même, et c'est ça la sunna, c'est de le faire soi-même. Et comme ça, tu vas apprendre. Comme ça, tu vas apprendre, inshallah ta'ala. Il n'y a pas de mal à ce que tu sois accompagné de quelqu'un expérimenté. Comme ça, il te montre, il t'enseigne comment faire, et ça se fait en quelques secondes. Oumou Ismail, elle dit, est-ce qu'il y a un ordre à respecter dans l'accomplissement des sunan liés à la naissance? À la naissance, la première sunna qu'on applique, yani, on invoque Allah en faveur de la mère pour que son accouchement se passe bien. Dès la naissance, il y a sunnat tahnik. On prend un peu de date et on le mâche jusqu'à ce que ça devienne liquide. Un tout petit peu. Et on le met sur la gencive, on le passe sur la gencive avec un doigt propre. La gencive du nouveau-né, et subhanallah, on constate qu'il suit notre doigt avec sa langue. Dans sa nature humaine, il aime le sucré. Ça, c'est une sunna. Après, le septième jour, on lui donne un prénom. On peut lui donner le prénom le premier jour, car le Nabi a fait les deux. Le septième jour, si c'est un garçon, on lui rase la tête et on donne en sadaqa, en aumône, le poids de ses cheveux et on lui fait une aqiqa. Si c'est un garçon, deux moutons. Si c'est une fille, un mouton. Je suis venu en Arabie depuis peu avec une intention pour le hajj. Est-il possible d'accomplir le hajj sachant que je n'ai jamais mis l'intention préalable? Si oui, dois-je mettre mon ihram à Mecca ou dois-je sortir jusqu'à Miqat? Non. Si tu es à Mecca, on va y venir, inshallah, à tout ça dans les détails. Lakin, si tu es à Mecca, et que tu as mis l'intention depuis Mecca, tu restes dans ton état, comme tu es aujourd'hui, et le huitième jour de Dhul-Hijjah, tu mets l'intention de l'Hajj. Si tu veux faire l'Hajj seulement, si tu veux faire l'Umrah maintenant, et ensuite faire l'Hajj, et ça c'est meilleur pour toi, car c'est la meilleure forme d'accomplir l'Hajj, ce qu'on appelle Tamattu'. Si tu veux faire l'Umrah, tu dois sortir de Mecca vers Tan'im par exemple. En tout cas, tu sors de l'Haram. Tu sors vers Arafat, tu sors vers Muzdalifa, tu sors, en tout cas, tu sors de l'Haram et tu reviens avec l'intention de l'Umra. Tu peux sortir à ce qu'ils appellent aujourd'hui Masjid Aisha, ce qu'on appelle Tan'im. Tu vas là-bas, il y a des bus qui vont là-bas, de Riyal, et tu reviens avec ton Ihram, et avec l'intention, tu fais une umrah et après tu te désacralises et t'attends le huitième jour de Dhul-Hijjah et là tu mets l'intention de pèlerinage et tu rentres dans le hajj. Qu'Allah te facilite. Pour le message des cheveux, on peut le faire dès l'entrée de la nuit du septième jour. Naam, le septième jour, on le fait le septième jour. Comment on compte les jours? Le premier jour dans lequel il est né, s'il est né avant le Maghreb, c'est ce jour-là sera compté. S'il est né après le Maghreb, c'est le lendemain qui représentera le premier jour. Et de là, on compte sept jours et après on fait ce qui se fait le septième jour. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.